Crever de faim. Ici pas de aïe aïe, garantir dans la tête, c'est noir, c'est sale. On abuse du temps, ils abusent des femmes, et je t'épargne de tous les détails. Ce que j'ai pu dépasser les flammes, l'enfer a menti. Du alpha blondi, j'écoute pas ce qu'on dit, j'observe la mer et ses vagues. Bonanini, juste pour l'argent. Le